petite journée. Et en rentrant, une ou deux autres à boire pour gérer tous mes petits déboires. Mais au final, je préfère quand même. Ma petite brune.